cherche une chanson à écrire. Tout le monde voudrait bien pouvoir la dire. Tout le monde cherche une chanson pour guérir. Tout le monde, mais personne ne veut la vie. Mais personne ne peut me dire ce qu'une belle chanson veut dire. Tout le monde cherche une belle histoire d'amour. Tout le monde une histoire qui dure toujours. Tout le monde cherche une belle histoire tout court. Tout le monde, mais personne ne peut me dire ce qu'une belle histoire veut dire. Toi, tu sais ce que vivre veut dire. Soit que sa propre conviction, tout le monde sa propre connexion, mais tout le monde, personne ne peut me dire ce que Dieu peut vouloir dire. Toi, tu sais ce que vivre veut dire, toi seul. Yeah.